Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal. Nous sommes le 11 octobre 2017. Voici les grands titres de cette édition. L'enlèvement des déchets ménagers devient de plus en plus problématique dans la capitale Bujumbura. Les différents services rejettent leurs responsabilités dans cette tâche. De quoi interpeller la réaction du président de l'organisation Parsem Faustin Ndikumana et le sénateur et ancien président de la République Sylvestre Ntibantunganya. Des responsables collinaires ont été arrêtés hier pour non-assistance à personne en danger après la mort de 6 personnes d'une même famille sur la colline Weya de la commune Wohiga. C'est en province de Karuzi. Nous appellerons notre correspondant pour plus de détails. Et en actualité internationale, le Kenya entre dans une impasse politique après l'annonce hier de retrait de la candidature de Raila Odinga à l'élection présidentielle prévue le 26 octobre prochain. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour, je venais de vous le dire, l'organisation Parsem, Parole et Action pour le changement des mentalités et le réveil des consciences, qui milite donc pour le changement des mentalités, appelle le chef du gouvernement d'intervenir pour mettre fin aux tergiversations entre la mairie de Bujumbura et les services techniques municipaux sur la gestion des immondices et des déchets ménagers dans la capitale Bujumbura. Dans un point de presse de ce mercredi, le président de cette organisation, Parsem, conseille l'autorité suprême à utiliser les services techniques habilités pour clarifier cette affaire et, au cas échéant, de punir toute autorité qui aurait passé outre les règles d'usage. Joseph Nsabiabandi vient de me rejoindre dans ce studio. Il a été à cette conférence de presse tenue par Faustin Ndikumana. Joseph Nsabiabandi, qu'est-ce qui a été dit? Oui, Jean Bosco, l'organisation Parsem estime que des intérêts des individus sont à l'origine de la paralysie des activités d'enlèvement des immondices et des déchets ménagers dans la capitale et Bujumbura. Faustin Ndikumana, président de cette organisation, appelle le gouvernement à intervenir pour mettre fin aux tergiversations entre la mairie et les CTMU. Il y a la CTMU, il y a la mairie. Là, on constate que ce sont des intérêts cachés des uns des autres. Le gouvernement devrait alors prendre ses responsabilités, mettre hors d'état de nuire les gens qui veulent toujours défendre l'intérêt caché au détriment de l'intérêt général et du citoyen. Parce qu'on doit dire, d'abord au secteur des services municipaux, de collecte des déchets, c'est un secteur où l'intervention de l'État est légitime. Même si on parle de privatisation, d'association du secteur privé, d'abord c'est un secteur où l'intervention de l'État est légitime. C'est le secteur public qui doit d'abord rendre ses services accessible aux citoyens. Selon toujours le président de la Parsem, trouver une solution efficace des déchets et de trouver une solution efficace au problème de gestion des déchets dans la capitale Bujumbura s'avère urgent, une responsabilité qui incombe au gouvernement burundais, d'après toujours Faustin Ndikumana. On constate déjà qu'ils veulent défendre leurs intérêts cachés. C'est inadmissible et c'est inacceptable. Et on voudrait plutôt même inviter tous ces gens qui se sont méconduits par rapport à la gestion de cette procédure, qu'ils soient sanctionnés. Aller même à chercher à connaître peut-être les propriétaires privés de ces entreprises qui s'arrogent le droit de se procurer un monopole. Alors que la loi est assez claire au niveau de la gestion des marchés publics. Des institutions comme la Direction nationale des marchés publics et l'autorité de régulation des marchés publics sont là pour intervenir. Mais ils sont complètement paralysés. C'est inadmissible dans un pays qui se paupérise comme ça, que des gens continuent à vouloir défendre bien qu'ils ont des intérêts égoïstes, bien avoué. Il faut vraiment le gouvernement, il faut que le gouvernement intervienne dans sa solidarité pour trouver solution rapidement et éviter ces divergences. Pour l'intérêt, je précise, supérieur des citoyens. On a des institutions hiérarchisé. Au sommet, il y a un gouvernement à la tête duquel un président de la République et deux vice-présidents qui doivent agir, qui ont la légitimité pour agir. Donc,

Merci Blaise. Et puisqu'on parle justice, sachez que le porte-parole de la Cour suprême Agnès Evangelichenge confirme avoir reçu la lettre de demande de radiation définitive du parti MSD, Mouvement pour la solidarité et la démocratie. Elle indique que pour que cette demande du ministère de l'Intérieur soit effective, cette institution judiciaire doit d'abord statuer sur le fond de l'affaire. Evangelichenge dit néanmoins que le dossier n'est pas complet pour être analysé. Il y a à peu près 2 mois, le ministère de l'Intérieur, Pascal Barandagué, avait envoyé une lettre au président de la Cour suprême pour demander la radiation du parti MSD après 6 mois de suspension. Il est 13h06 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est appelé à envisager des solutions immédiates pour certaines difficultés qui s'observent dans le domaine de l'éducation, comme la question des effectifs nombreux d'élèves dans les salles de classe, le manque de matériel didactique ainsi que le manque d'enseignants dans certaines écoles. C'est en tout cas le souhait exprimé par Désiré Wizimana, coordinateur national du Centre d'écoute et d'accompagnement des élèves pour la paix, ce mercredi lors d'une conférence de presse qu'il a tenue. Désiré Wizimana a dit que quand un enseignant ne travaille pas dans de bonnes conditions, ce sont les élèves qui en subissent les conséquences. Suivez. Nous félicitons le ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les décisions qu'ils ont prises concernant comment les élèves doivent se comporter étant à l'école. Ça aussi, c'est très intéressant parce qu'auparavant, vous trouvez des élèves se comporter d'une façon non admirable. Maintenant, le ministère en charge de l'éducation a essayé de prendre des décisions, des mesures pour mettre les élèves au même niveau. Aussi, il faut signaler que le ministère aussi a pris une décision de redéployer certains enseignants parce qu'il y avait des cas où on trouvait des enseignants qui passaient le temps assis alors qu'il y a des élèves qui n'ont pas d'enseignants. Mais néanmoins, nous constatons qu'il y a eu des malentendus à ce qui concerne le déploiement parce qu'il y a des enseignants qui n'ont pas salué la façon dont leur déploiement a été opéré. Raison pour laquelle nous aussi nous invitons, si possible, le ministère en charge de l'éducation à réviser l'activité qu'il a opérée pour que tous les enseignants soient satisfaits de cette mesure. Nous signalons aussi qu'il y a beaucoup d'élèves qui passeraient le temps sans apprendre à cause du manque des enseignants. Raison pour laquelle nous invitons le ministère à réagir pour que ces élèves aient des enseignants. Maintenant, nous remarquons des effectifs pléthoriques dans les classes. Là, on peut parler au lycée communal et Rutegama, où on peut trouver 150 élèves dans une salle de classe et dans la DCE Nahangwa, au lycée municipal Gasseng. Là, on peut trouver 170 dans une même salle de classe. Je pense que le ministère doit réagir pour l'intérêt des élèves parce que si rien n'est fait, nous nous retrouverons dans l'incapacité d'enseigner, de donner des connaissances nécessaires à ces élèves. Dans la suite de ce journal, le 11 octobre de chaque année, comme aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée internationale dédiée à la fille. Au sein de l'association des guides du Burundi, on fait savoir que les grossesses non désirées constituent un des défis auxquels font face les filles burundaises. Divine Tuyisenge, chargée de la communication au sein de cette organisation, invite les filles à démontrer leur capacité au gouvernement de vrai en vue de rehausser le niveau de développement de la fille burundaise. Je propose de l'écouter. Pourquoi la journée internationale de la fille? C'est que l'histoire de la fille a été une histoire qui n'est pas comme les autres parce que autrefois les filles, elles étaient sous-estimées et n'allaient pas à l'école et elles avaient comme métier tout travaux ménagers. Mais quand même, le temps évolue. On a évolué. Ils ont trouvé que c'était mieux de célébrer cette journée internationale dédiée à la fille pour que la fille puisse voir à elle-même qu'elle peut se développer, pour que le monde puisse voir que même la fille a un apport à donner à la société, à donner à son pays, à donner au monde entier. Quels sont les défis que rencontre la fille au cours de sa vie, au cours de sa scolarité, au cours de son développement? À l'école, une fille peut tomber enceinte alors qu'elle ne le voulait pas, elle ne le désirait pas. Elle est obligée de suspendre les études et va porter son enfant pendant 9 mois et va allaiter son enfant. Ça va lui coûter du temps alors que le garçon, lui, il est en train de poursuivre ses études. Ce sont les défis majeurs. Et puis un autre problème, c'est que les filles peuvent aussi à elles-mêmes se sous-estimer. Donc il y a même des filles, même si le gouvernement essaie de tout faire pour leur aider, leur soutenir, même s'il y a aussi des associations, des organisations qui essayent de soutenir les filles dans leur éducation, il y a des filles qui continuent à se sous-estimer. Il y a des filles qui croient jusqu'à maintenant que les études, c'est pour les garçons. Il n'y a pas de fille qui peut être médecin, qui peut être ministre. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des filles et à l'endroit des différents partenaires? À l'endroit des filles, j'encouragerai toutes filles. Je souhaite d'abord bonne fête à toutes les filles. Et encore, j'encourage à toutes les filles d'étudier, de chercher à se développer parce qu'on peut aussi faire quelque chose. On est aussi capable de faire quelque chose. On peut devenir ministre, on peut devenir président de la République, on peut être journaliste, on peut être médecin, on peut être beaucoup de choses. Donc, aussi, je lance un appel à l'État d'essayer de voir quelles sont les causes qui entraînent à ce que, même s'il essaie de tout faire pour que tout le monde soit à l'école, qu'est-ce qui fait qu'il y a des filles qui continuent à se sous-estimer, qui continuent à abandonner les études? Divine Tuyisenge, elle est chargée de la communication à l'Association des guides du Burundi qui s'exprimait à l'occasion de la célébration de la journée internationale dédiée à la fille le 11 octobre de chaque année, comme aujourd'hui. Et justement à cette occasion, la Bumwe Bertil, psychologue à l'Association des femmes burundaises pour la lutte contre le sida et le paludisme, a demandé aux parents de cesser avec la pratique de marier leur fille précocement. Ils demandent au gouvernement de mettre en place des sanctions contre toutes les personnes qui peuvent être impliquées dans des mariages précoces de jeunes filles. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale au Kenya, l'opposant Raila Odinga a annoncé le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 26 octobre prochain. Et à l'occasion de la journée internationale de la fille, de la fille célébrée le 11 octobre de chaque année, l'ONG One publie un rapport alarmant sur l'accès à l'éducation des filles dans le monde. Et en Espagne, après un discours au Parlement régional évoquant une déclaration unilatérale d'indépendance de la région du Catalan, le gouvernement espagnol se réunit en urgence au mercredi pour décider d'une réponse à donner. Aubin Niyonguru. Le conseil des ministres, présidé par le conservateur Mariano Rajoy, est prévu ce mercredi. Il décidera quelles mesures prendra au lendemain d'une séance parlementaire confuse au Parlement catalan. Malgré la signature et un discours qui s'inscrit dans la continuité, le séparatiste Carles Puigdemont semble vouloir diminuer la tension et a laissé la porte ouverte à un dialogue avec la capitale, montrant aussi qu'il a écouté les pressions de l'Union européenne. La balle est donc dans le camp madrilène, écrit RFI sur son site, qui campe pour l'instant sur ses positions. Le 11 octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des filles. En cette journée, l'ONG One a publié le rapport d'études qui établit le classement des pays où il fait le moins bon être écolière. Parmi les 10 pays qualifiés de mauvais élèves, 9 se situent en Afrique. La liste comprend le Soudan du Sud, la République centrafricaine, le Niger, le Tchad, le Mali, la Guinée, le Libéria, le Burkina Faso, l'Éthiopie et l'Afghanistan. Pour ces pays, les conflits et les croyances religieuses sont les quelques éléments qui influencent la non-scolarisation des filles. Au Kenya, l'ex-candidat à la présidentielle, Raila Odinga, a annoncé le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 26 octobre prochain. L'opposant a expliqué avoir pris cette décision dans l'intérêt des Kenyans. Les spécialistes de la constitution kenyane et du droit se déchirent aujourd'hui sur le processus qui suivra.